toi mon journal à qui je confie tous mes secrets. J'ai Tommy dans la tête, mais le saura-t-il jamais? Papy est un inventeur, lui c'est un vrai génie. Personne ne sait, mais je te dis que je suis méga Mindy. Je suis méga Mindy, méga Mindy. Une fille super héros, la force et l'amour dans la peau. Je suis méga Mindy, méga Mindy. Méfiez-vous tous les bandits, car voici méga Mindy. La mamie de mon cœur vend des sucreries, des douceurs. Tous les bandits, car voici Méga Mindy.